L'état-major général de l'armée populaire de Corée a envoyé le 28 mai une note aux autorités sud-coréennes. Il indique notamment « Les autorités militaires sud-coréennes ont lancé le 27 mai, de façon illégale, leur bâtiment de guerre dans les eaux sud-ouest de notre côté pour tirer un autocanon de 40 mm sur un ferryboat de notre marine en mission régulière qui n'a pas de canon. » Leur provocation militaire grave indigne notre armée et notre peuple, car il s'agit d'un complot prémédité visant à dégrader les rapports nord-sud et à aggraver encore plus la tension dans la péninsule coréenne. Ces derniers jours, au lieu d'accepter notre proposition de principe de tenir les pourparlers des autorités militaires nord-sud en vue d'atténuer la tension et d'éliminer le danger de conflit militaire dans la péninsule coréenne, les autorités sud-coréennes insistent absurdement sur la dénucléarisation préalable pour refuser à l'aventure notre projet d'une part, et d'autre, elles s'enthousiasment pour les menées frénétiques de guerre d'agression contre le Nord, dans le but de détourner l'attention du public favorable au dialogue et aux négociations Nord-Sud. Les manipulateurs du dernier incident doivent se mettre à genoux devant tous nos compatriotes et présenter leurs excuses. À partir de maintenant, tous les bâtiments de guerre sud-coréens qui violent même un pouce des eaux de mer de notre côté sur la ligne de démarcation militaire maritime au penchant de la mer de l'Ouest seront ciblés et frappés directement sans avertissement. Jamais tolérables sont les comportements des autorités sud-coréennes qui opposent à notre offre de dialogue cordial la confrontation militaire téméraire telle que l'intrusion dans nos eaux territoriales et les coups de feu et à nos efforts destinés à l'atténuation de la tension, les campagnes de guerre dangereuses. Si elles réagissent à notre coup de représailles autodéfensifs, elles subiront des coups de riposte successifs plus forts. L'état des choses d'avenir dépend de l'action des autorités sud-coréennes.